C'est moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Magie la vie. Magie la vie, c'est magique. La vie, c'est magique. La vie, c'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Magie la vie. Magie la vie, c'est magique. Le destin m'a pris par la main. M'a conduit sur un chemin. Très loin des noirs desseins. Vers un nouveau matin. Le soleil du grand magicien. Le soleil du grand magicien. La vie, c'est magique. La vie, c'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Magie la vie. Magie la vie, c'est magique. Tant qu'envie, envie d'espoir. Lumière sur mon désespoir. Au commencement était la parole. Moi j'ai bu ces paroles. Elles m'ont fait beaucoup de bien. Je vis pour le bien. Je vis par le bien. Au commencement était la parole. Chacun joue son rôle. Des fois c'est pas drôle. Il vaut mieux qu'on en rigole. Il vaut mieux que l'on rigole. La vie, c'est magique. La vie, c'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Moi qui m'a sauvé la vie. C'est magique. Magie la vie. Magie la vie, c'est magique. Magie m'a pris par la main. M'a conduit sur un chemin. Très loin des noirs dessins. Vers un nouveau matin. Le soleil du grand magicien. Le soleil du grand magicien. La vie c'est magique. C'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. C'est magique. Tant qu'envie, envie d'espoir. Lumière sur mon désespoir. Au commencement était la parole. Tant qu'envie, envie d'espoir. Lumière sur mon désespoir. Au commencement était la parole. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique. La vie c'est magique.